champions du monde, c'est les chasseurs. Il y a eu un accident de chasse d'un gars qui faisait du VTT, qui a été touché par un chasseur à l'épaule. Il n'est pas mort. Malheureusement, la semaine dernière, un autre VTTiste, ouais, c'est comme ça qu'on dit, a été touché et lui est décédé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un député qui a voulu proposer une loi. Alors celle-là, je la trouve. Alors lui, il ne doute de rien. Lui, il est parce que quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Vous dites, faudrait faire une loi pour que les chasseurs aient une zone plus réglementée, c'est etc. Ça, oui. Bon, la première, ce serait d'enlever l'alcool, hein, puis de dire n'allez, oui, plus, n'allez plus chasser après 14 heures. Déjà. Moi, je l'ai vécu. Hein, première chose. Je l'ai vécu. Je sais de quoi je parle. Vrai, donc voilà, c'est-à-dire que avant midi, ça passe, et encore pour certains, bon, mais après 14 heures, faut freiner. Eh ben non, le gars, il a dit, faudrait faire une loi interdisant aux mecs de faire du VTT pendant la chasse. Bah, oui, enfin, qu'est-ce qui nous emmerde, ces mecs à vélo? C'est de leur faute. Et c'est horrible, ils tirent sur des gars qui font du vélo. Vous savez que les sangliers sont pétés de rire. Hein. Ils sont d'une tranquillité absolue, hein, sauf les sangliers suicidaires. Eux, ils sont obligés de faire du VTT. les mecs qui veulent en finir avec la vie, ils font « Hey, je suis en VTT, allez-y. » Non, mais c'est dramatique. Super champion du monde, suivez-moi l'histoire, elle va très vite, mais elle est complexe. Un homme de 27 ans vient d'être condamné à Caen pour avoir agressé, volé son voisin qui avait l'habitude de visionner des pornos avec le son trop fort. Je vous fais l'histoire. Le gars, il est chez lui, il mate des pornos, le voisin est gêné par le bruit. Imaginez en même temps le « Oh, dans toutes les langues, c'est pénible. Donc il va s'expliquer un peu avant 6h du matin, quand même. Mais l'amoureux du 7e art version porno dit qu'il veut pas baisser le son, qu'il est chez lui, qu'il fait ce qu'il veut. Le voisin lui met une patate, il rentre dans l'appart, il lui pique tous ses DVD de boules. Sauf que ça s'apparente à du vol. Donc il se retrouve au tribunal. Le fan de porno risque une amende pour tapage nocturne. Le tribunal a condamné le justicier à 70 heures de travail d'intérêt général. Oh merde, de travaux, ouais, même d'intérêt général. Et une amende de 100 euros. Et le tribunal a ordonné la restitution des pornos en disant, je cite, « Le tribunal n'a pas forcément besoin de ses DVD dans ses étagères. » C'est énorme quand même, non? Ouais. Le gars... Il en avait beaucoup. Mais il en avait beaucoup, visiblement une grosse collection. Et surtout, il mettait le son à fond avant 6h du matin. Le gars, il changeait les langues, il fait ça dans le coin danois. En suédois. Et en français. C'est marrant quand même, hein. Le sens du film ne change pas. Moi, j'oserais pas regarder un porno avec le son à fond. Je vous le dis, j'oserais pas. Trop peur de déranger mes voisins. Attends. Pendant 1 minute 15, trop peur de les gêner. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar. Y nadie va a tocar. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Más. Dile que tú eres. eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. C'est le best-of de Koï sur Énergie. 5 infos très importantes sur le pénis. J'en ai 5. J'apprends d'abord que un homme sur 6 millions naît avec deux pénis, les amis. Hein, ah ouais. Un homme sur 6 millions. Bon, c'est une probabilité, elles sont. Ah ouais. Hein. Et les deux sont fonctionnels. Ouah, ça fait rêver quand même. Ah bah, non, ça fait pas rêver parce que déjà qu'avec un seul, on se fait défoncer parce qu'on fait pipi sur la cuvette. Imaginez avec deux. Allez, bah déjà, on est d'accord. Nous, les garçons, le matin, on a déjà du mal à en diriger un. Le deuxième, tu fais comment? Ça fait comme le matin, le double jet du matin. Ah mais non, mais c'est pas possible. Excusez-moi, c'est pas pour arroser le jardin. Tu te fais, alors là, tu te fais défoncer. Dis non, t'as le lampadaire et la cuvette. Allez jusqu'au plafond. Deuxième info, le manque d'activité sexuelle. Est-ce que vous saviez que ça peut réduire la taille d'un pénis dû au manque d'oxygène et de circulation du sang? Ah bon. Moins vous faites l'amour, plus il est petit. Troisième info, l'américain Jonah Falcon, c'était qui? Jonah Falcon. Oula. Un acteur, c'est pas du tout. Quelqu'un qui avait un gros zizi. Ouais. Oui, le plus gros du monde. 34 cm au repos. 34 cm. La trop. Fais pas la gueule, Jeff. À 30 cm, t'es pareil. Mais ça sert à rien. Fais le calcul. Un homme a perdu son pénis. Il est littéralement tombé après s'être injecté de la cocaïne. Vous voyez ce qu'il faut pas faire de conneries. Pendant, il pensait que ça allait augmenter son plaisir et c'est tombé. Comment c'est-à-dire le zizi est tombé. Oui, oui, c'est-à-dire que le gars, il a fait une injection. Et j'en pense quelques jours après. Hein. Oui, ça s'est atrophié, boum. Ça a dû tomber. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est mon zizi. Quand il a pourri. Mais c'est ma teub. Il a pourri, oui. En fait, ça l'a nécrosé et il est tombé. Ah, c'est horrible. Et là, le docteur lui a dit cette phrase de Chuck Norris. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Ah, bah là, c'est le cas. Et enfin, pour terminer, le dernier chiffre, c'est sur l'éjaculation. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. La plus haute constatée scientifiquement. Mais je ne sais pas comment il l'a constaté. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un mec du Guinness Book comme The Ninja Warrior? Est-ce qu'il y avait des scientifiques? 5m48. Oh. 5m48. Mais de longueur, de hauteur? Hauteur. C'est plus haut qu'un saut à la perche, pour vous donner une idée. Et en même temps, je suis pas sûr que ça devienne une discipline olympique un jour. Écoutez, très très beau jet, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Voyons le ralenti. Écoutez, saluons cette personne du 9e rang qui en a eu dans les cheveux. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Belle Corrèze charnelle. Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Puis sur les monnaies d'hier, c'est pire qu'un testament. Joli coin de France, enterrez-nous vivants. Bailleux s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a Sur Énergie. Alors vous l'avez remarqué, les taxes montent de plus en plus, le gasoil devient de plus en plus cher. J'ai une pensée pour ceux qui roulent beaucoup. Voici donc la compile du gasoil avant-après. D'ailleurs, pour tous les VRP qui nous écoutent en voiture, il y avait avant... Je vais vite car je sais que le chemin est long. Je vais vite pour mes mots, oui. Dépasser le mur du son. Eh oui, mais aujourd'hui, vu les prix du gasoil, bah ils font du stop. Les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière. C'est pire, c'est que je vous vois danser, c'est horrible. La chanson des chauffeurs de taxi qui nous écoule. Avant, il y avait... Je roule, roule, roule, roule, roule dans les rues de ma ville. Aujourd'hui... J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. C'est tellement cher. Pour les pompes funèbres, avant, c'était... Je voulais juste avancer. De vous retourner, on sait qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, pour les pompes funèbres, c'est... Je sais pas comment je vais faire, non. J'assiste à mon propre enterrement. Pour les coiffeurs itinérants qui sont en voiture, avant la hausse du gasoil, c'était... J'étais sur la route toute la fin de journée. Oui, mais alors maintenant, c'est plutôt... Prenez la coupe. La conclusion à tout ça, c'est Bourville et De Funès qui en parlent le mieux avec le hausse du gasoil. Qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Eh ben, un piéton. Bienvenue sur Énergie. Ouais, oui, bah, ouais, 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Au Koweït, un homme a été arrêté lors d'un contrôle routier et le policier trouve que le conducteur a mauvaise haleine. Ouais. Mais vraiment, vraiment mauvaise haleine. Mm-hmm. Au point que le policier lui émet un PV pour ça. Ah, c'est dégueu. Ah non, ça se fait pas. Alors le mec a contesté le PV, il l'a pas payé. Ah ouais. Parce que même, non, ce n'est pas une raison. Hein. Ça doit être la honte quand même s'il y a un procès, un truc. Ouais, et ouais. Tu vois, ah bah, si tu vas en prison pour ça, ouais. J'ai braqué une banque et toi, bah rien. Manu dans le 6-9. Manu, allez. 6h-9h30 sur Énergie. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Cette année pour Noël, c'est moi qui apporte les huîtres. Facile. Bah oui, chez Carrefour, les 6 huîtres fines de Claire élevées par des ostréiculteurs français sont à seulement 3 euros. Résultat des courses ? Se régaler à Noël tout en faisant des économies, c'est possible. Pour vos repas de fête, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, profitez des 6 huîtres fines de Claire Marraine Oléron, filière qualité Carrefour à seulement 3 euros. Carrefour. 375 grammes les 6 huîtres numéro 4, soit 8 euros le kilo. Voir liste des produits et magasins participants sur carrefour.fr. À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa et Compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Téléchargez l'appli énergie gratuite. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, it music only. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Oh non, mais non les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, Loué ou Saint-Sevé est à 9,49€ le kilo, avec en plus 6€ en avantage carte par chapon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Gagnez des trottinettes électriques pour la sortie du film événement de Noël, Bumblebee, avec Énergie. C'est du délire. Écoutez Mickaël de 20h à minuit sur Énergie et gagnez des trottinettes électriques. Waouh. Bumblebee, le 26 décembre au cinéma. Comment tu t'appelles? Un Bumblebee, je vais t'appeler comme ça. Avec Énergie, it's music only. Il y a un article qui est d'ailleurs à la une de tous vos iPhones, là, depuis un quart d'heure. Que risque-t-on en s'asseyant sur les toilettes publiques? Alors, je vais vous faire un petit résumé, puisque je l'ai lu, il est très très long, l'article est très complet. Vous savez, donc, je vous le disais, les filles, généralement, vous ne vous asseyez pas. Stouff, on va pas révéler les secrets de fabrication. Non, mais moi, je mets du papier toilette autour de la cuvette. Mais c'est pas pratique. Ouais, c'est à l'ancienne, ça. Tu mets du papier toilette? Bah ouais, j'enroule et puis voilà. Et toi, Jeff? Bah, moi, je fais pipi assis aussi, donc. Pardon? Je fais pipi assis, moi. Pardon? Ah oui, non, je ne peux pas. Mais il fait caca debout. Je fais caca debout. Vous savez, il fait caca debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là avec nous. Pardon, mais moi aussi, je fais pipi assis. Hein. Ben oui, pardon. Mais c'est plus sympa. Bah, c'est... Enfin, c'est une pause. Excusez-moi, quand vous serez des bonhommes, on en reparle. Ça vous dérange pas? Moi, c'est mon grand-père qui m'a appris à faire pipi assis. Hein. Oui, mais non, mais excusez-moi. En théorie, quand on est un bonhomme, on fait. Toi, tu mets du papier. Mais je mets du plein de papier. Alors que Stouff, je comprends qu'elle ait peur de la cuvette, mais toi, Jeff, c'est la cuvette qui te revoit pas de toi. C'est le seul endroit où quand il rabat la cuvette, elle se relève. Elle fait non. C'est la cuvette qui dit mettez du papier. Bon. Bon, allez, je vais vous dire immédiatement. Franchement, je vais vous raccourcir l'article, qui est très bien fait d'ailleurs. Globalement, vous ne risquez rien. Alors, il y a des détails qui font flipper. On apprend qu'on a 1 kilo de micro-organismes dans notre corps, des bactéries, des champignons, des levures, des virus, des parasites qui vivent dans l'intestin. Alors le problème, en fait, évidemment, vient des matières fécales, du caca. Okay. Mais le danger, c'est de faire caca-bouche. C'est quand ça rentre par la bouche. En gros, ça ne peut pas rentrer par les fesses. Les infections présentes sur les toilettes ne peuvent pas rentrer par les fesses. Okay. Vous ne risquez absolument rien. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut bouffer votre KFC en le mettant sur les toilettes. C'est pas ça que je veux dire. Il ne faut pas qu'il y ait de contact direct avec la bouche. Donc, en fait, vous ne risquez pas grand-chose. Alors, le plus dangereux, c'est la poignée de porte derrière. Oui. Mais il y a un détail dans l'article qui est drôle. Écoutez bien. Il y a une étude qui est sortie en 2011 qui dit que les microbes présents dans une gouttelette d'eau, quand vous tirez la chasse d'eau, il y a des petites gouttelettes comme ça qui partent. Oui. Dans une gouttelette d'eau, ça colonise rapidement tout ce qui est autour, y compris l'abattant, la porte des toilettes, le sol et le support du papier toilette. Et l'article dit, pour éviter de subir cette vaporisation, dès que vous avez tiré la chasse d'eau, il faut immédiatement quitter les toilettes. C'est-à-dire que, en gros, t'habitues, tu fais « cours, cours !» Moi, je pense que l'année prochaine, ils font une épreuve dans Fort Boyard. Sors Ah putain, j'ai tiré la chasse d'eau, je suis resté 20 secondes. Et quel est le pire truc à faire aux toilettes? Le pire truc. Ne pas s'essuyer les mains. Prendre son téléphone portable. Parce que vous passez du temps avec votre téléphone portable. Dès que vous tirez la chasse d'eau, tout atterrit sur le téléphone portable. Et ben, conclusion, le téléphone portable, écoutez-moi bien, est 10 fois plus sale qu'une cuvette des WC que vous trouvez dans une gare. Non. Le truc que vous avez là, alors qu'on vous dirait lèche une cuvette de WC, tu le ferais pas. On dirait lèche ton téléphone. Et bien là, ça, c'est pire que les toilettes. Parce qu'il n'y a jamais d'eau de Javel sur un téléphone, alors qu'il y a de l'eau de Javel dans les toilettes. Voilà, c'était ma conclusion, donc vous pouvez y aller. Je vais faire pipi sur mon téléphone. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. And I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit, thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. maintenant. 17h-20h, c'est le Best of de Koé sur Énergie. Alors, on se fait un spécial baston dans le Zap et on commence avec 4 mariages pour une lune de miel. C'est un événement qui est censé être le plus beau jour de ta vie. Ça continue, ça ? Ouais, ça continue. Je rappelle que la demoiselle, avec ce qu'elle a gagné dans un instant, pour 4 mariages et une lune de miel, elle va pouvoir avoir un invité Koé. Oui, ou 3 dragées. Oui, bien sûr. Donc, c'est un événement qui est censé être le plus beau jour de ta vie, sauf sur TF1. Concernant toi, Judith, les conditions dans lesquelles tu nous as reçus étaient inadmissibles et, comme dit Sandra, je la cite, immangeables. Excuse-moi, Victoria, sache que ton mariage était loin d'être parfait au vu des critiques que tu as données à tout le monde. Et je n'ai pas de leçon à recevoir de ta part. Sache-le. Tu n'as pas de leçon à recevoir de personne, d'ailleurs, mais une éducation à revoir, certainement. Voilà. Elles peuvent se battre ou pas. Voilà. Et félicitations. On pourrait pas enchaîner sur Ninja Warrior histoire que ça y est, un grand coup. On pourrait coupler des concepts comme mais ça. En même temps, les mariages, soyons très honnêtes, il n'y a que celui qui l'organise à 90% qui le trouve très beau parce qu'il l'a fait à son goût. Bien sûr. Les autres, ils n'aiment pas les couleurs, ils n'aiment pas les froufrous, ils n'aiment pas la musique, ils n'aiment pas la bouffe. Tu fais de la viande, ils veulent du poisson. Ouais. Tu fais du poisson, ils font il n'y a pas de viande. Tu fais du champagne, ils veulent de la bière. Tu fais de la bière, il n'y a pas de champagne. Ah ouais. Ça ne va jamais. Ça ne plaît qu'à celui qui. Et tous les autres s'en focus. C'est vrai. C'est très bien. Très bien. Oui, c'est ça. On s'est régalé. Mais vous partez déjà 21h30. Oui, il faut aller se coucher. Oula, oula, bravo, quel mariage, quelle ambiance. Allez, on continue. Allez, baston toujours avec les Marseillais sur W9. Ah. Alors, ce qui est rigolo quand ils s'embrouillent, les mecs, c'est qu'ils disent la même chose en boucle. Ferme ta gueule, tu me manques pas de respect. Alors qu'elle me touche pas. Tu me manques pas de respect. Mais je te parle pas, tu me manques pas de respect. Je te parle pas, tu fais la meuf inacte. Tu es un loukou. Tu es la chasse que fasse un shooting avec toi. Arrête de me faire toi. Tu es une erreur de malade. Tu mérites de crever. Tu mérites de crever. En même temps, ont-ils plus d'expressions disponibles? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On tourne avec 3 expressions. Ça fait plusieurs saisons que W9 fait ça. Ça marche. Oui, c'est ça. On va de l'autre côté, Énergie 12. Alors, baston toujours dans les anges sur Énergie 12. Et ce qui est rigolo, c'est que quand ils s'embrouillent, ils disent la même chose en boucle. Évidemment. T'es sûr de toi? Est-ce que t'es sûr de toi? T'es sûr de toi? Je suis certain. T'es sûr de toi? D'où t'es là? Sûr de toi? Tu dis, est-ce moi, que t'es sûr de toi? Est-ce que t'es sûr de toi? T'es sûr de toi? T'es sûr de toi là? À 100%? T'es sûr de toi? Eh bien, c'est confirmé, ils n'ont pas plus de vocabulaire à Énergie 12 qu'à W9. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. garder le meilleur de Koé. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. Koé 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Allez, on a décidé de faire un spécial jeune. J'ai une étude, écoutez-moi bien. Selon une étude BVA. Donc ça veut dire que c'est sérieux. Oui. On les connaît pas, mais quand tu mets BVA, c'est que ça, voilà. Ça fait sérieux. Voilà. Donc c'est la façon dont les ados utilisent leur smartphone. On apprend que d'abord, 89% des interrogés, la principale utilité, c'est laquelle pour les plus jeunes? Les photos, les réseaux sociaux, Internet, SMS, le réveil, les jeux. Ben vous vous prenez la tête bien loin. Pokémon. C'est de permettre la communication avec ses proches. Oh. Ah mais voilà. C'est vrai qu'on peut téléphoner avec un téléphone. Voilà, c'est vrai, on avait presque oublié. Ouais, c'est vrai. Alors j'en profite pour dire ce message aux plus jeunes, y compris mes enfants. Oui. Alors pourquoi vous ne répondez jamais à votre putain de téléphone quand c'est vos parents qui envoient un message? Hein, pourquoi? Ah, pour aller liker Émilie Ratajkowski qui monte ses nichons, il y a du monde. Mais pour répondre à son père qui dit à quelle heure tu rentres, il n'y a plus personne. Mais c'est quoi, prochaine fois que j'envoie des messages, je vais mettre un gif avec les nichons d'Émilie Ratajkowski pour voir si ça marche. Ah, mais je te jure, il va répondre là. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, direct. 78% des ados utilisent leur téléphone pour les réseaux sociaux, une majorité Snapchat, 62% devant Facebook ou Instagram, et un ado sur 5 utilise son smartphone à l'école malgré l'interdiction. Ah, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. On continue, 28% le consulte, y compris la nuit. La nuit, par peur de manquer une notification. Ah bah ça c'est vrai que c'est vachement important de se réveiller à 3h du mat pour voir ton pote en train de manger des pépitos. Ah bah oui oui. Hein, ou un mec qui t'indique la température qu'il fait dans sa ville, ou un truc, il y a ça sur Snapchat, ça me rend ouf, ou le mec qui me démarque 0,2 km/h. Très utile de savoir que ton pote est à l'arrêt. Bon, ou l'altitude aussi. Ils ne sont que 10% à avoir déjà utilisé leur smartphone pour rencontrer quelqu'un, mais 13% pour rompre. Et par contre, on apprend. Et là, alors là, je mets une petite bémol. Un ado sur 5 a déjà envoyé ou reçu des sextos. Un ado sur 5. Alors, les amis, gardez ça quand vous serez plus âgés. Ben oui. Voilà, faites pas ça quand vous êtes jeunes. En plus, tout reste. Puis des fois, tu fais des messages groupés. Hein, imaginez le choc. Vos parents couvrent un message. Ils veulent votre zizi. Non, ça se fait pas. Oups. Même si vous êtes blagueur dans la famille, ça se fait pas. Et enfin, les spécialistes donnent des conseils d'éducation aux parents. Il faut donner des règles de vie, des plages horaires où il faut interdire de s'en servir, la nuit surtout. Et ils le disent, le plus important, ne jamais fouiller le contenu du téléphone d'un ado. Il a le droit à sa vie privée. Jamais fouiller, ce sera la conclusion, le téléphone d'un ado. Voilà, et je m'adresse aux mamans, ne fouillez jamais le téléphone de votre ado. Et tant que vous y êtes, ne fouillez jamais le téléphone de votre mari. Voilà, il a le droit aussi à sa vie privée. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine night tonight. 17h-20h, c'est le best-of de Coé sur Énergie. Il y a eu de la neige du côté du Massif Central dans pas mal de régions, si je dis pas de bêtises. Et il y a eu jusqu'à 950 personnes de bloquées par la neige. Alors que, excusez-moi de faire mon relou, mais c'est pas comme si la météo n'avait pas prévenu. Ça, c'est vrai. La météo avait dit, ne prenez pas la route, il va y avoir de la neige, il va y avoir 50 cm. T'as des gens qui prennent la voiture. Oh, moi, je vais coincer dedans. Oui, mais si t'as que ça. Mais si t'as que ça. Mais enfin, non, bah, oui, tu mais dois enfin, aller travailler. Bah, on te dit, il y a un ouragan qui arrive, tu vas pas faire ton jogging. Mais il faut que tu gagnes ta vie quand même. Mais je suis bien d'accord. Mais quand on te dit, attention, dans la nuit, il va y avoir 50 cm, tu prends pas ta voiture cette nuit-là. Oui. Si ton patron peut comprendre qu'il va tomber 50 cm. Putain, demain, il va Après, ça dépend. Ça dépend des patrons. Ne me regardez pas quand on vous dites ça. Demain. Voici la compile de la neige avec la chanson des enfants qu'ils ne veulent pas retourner à l'école. Et je voudrais que ça dure longtemps. Rêve pas. Il y a également la chanson du mec qui a écouté les conseils de Météo France et qui est bloqué depuis hier soir. Et on me dit ça va. Pareil. La chanson des gens qui pensaient faire Paris-Marseille dans la nuit. C'était pas prévu, mais tu vas y aller quand même. La chanson des freins de ta voiture sur la neige. 1, j'ai tendance à bloquer. 1, j'ai tendance à bloquer. 1, j'ai tendance à bloquer. Bloqué, j'ai tendance à bloquer. La chanson de ceux qui ont décidé de finir à pied sous la neige et le verglas. Ça va ça? Avec la neige? Et enfin, il y a la chanson du mec trop prévoyant sur la route quand la neige a fondu. Bah c'est vrai, il n'y a plus de neige, tu peux enlever les chaînes. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shahou est là. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté fin. Oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée. Je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser. Car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler. Normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Le meilleur de c'est maintenant. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Mais je reviens aussi sur une autre info qui est tombée, histoire de vous faire un peu mariner. Sur les petits surnoms d'amour, c'est une info qui est tombée. Vous savez, vous appelez chérie, poussin, mon amour, roudoudou. Ouais. Ces petits trucs qu'on me trouve gnangnan. Je sais pas, vous appelez, toi, Jeff, tu l'appelles comment? Moi, mon cœur. Quelle banalité, Stouf. Je l'appelle pas. Ok, d'accord. Je le siffle. On apprend que c'est très bon pour le couple. Si vous le faites, c'est très bien. Ça fait des connexions émotionnelles au sein du couple. 16% des Américains avouent que c'est essentiel à la survie de leur couple. 9% en Europe. Et c'est 85% des hommes qui disent un surnom. 76% des femmes. Le surnom le plus donné par les hommes est... Chouchou. Mon amour. Ah. Suivi par ma beauté. Et ouais. Ensuite, le reste d'une banalité terrible. Chérie. Chérie. C'est mignon, non, ouais, c'est moi, le lit. Moji Utami, moi. Quoi ? Utami, c'est japonais. Ah bon ? Bah, Utami mon jean, Utami mes chaussures. Ça marche bien, compétition, non ? Utami. Alors, le fameux moratoire, on y revient. Nous avons fait un téléphone trottoir, parce que je vous dis, avec le temps qu'il fait, bon, on sait jamais. Voilà, donc le téléphone trottoir, la question est simple. Nous avons appelé 15 personnes, pas une de plus, pas une de moins. D'accord. Avec une simple question. Savez-vous ce qu'est un moratoire? D'après vous, combien de personnes savent sur 15? Et on a pris toute région de France. Une bonne dizaine, quand même. La moitié, 7, je dirais. Sauf 5. Ouais, une bonne dizaine. Ouais. 7-8. 7-8. 50%, je dis. Voilà, vu la tête, c'est moins. Je vous propose d'écouter. Oui. D'accord, ok, allez, vas-y. Savez-vous ce qu'est un moratoire? Normalement, c'est des questions qu'on se pose ensemble et qu'on essaye de trouver une solution. Pour moi, c'est ça. Moratoire. Ah, je vois pas. Non. Alors, un moratoire, c'est comme un genre de référendum un peu plus politisé, je dirais, je ne sais pas. Tu veux demander un avis? Moratoire. Franchement, c'est non. C'est un questionnement collectif. Bah, c'est un endroit où on met les morts, gros. Moratoire. Ça veut dire quoi? Alors là... Oui. C'est pas le passage entre le paradis et l'enfer? Ça, c'est pas assez calé pour savoir. Et ben voilà, 15 personnes ne savent pas ce qu'est un moratoire. C'est donc un délai, voilà. C'est un suspension. C'est une suspension avant une prochaine mise en application. Je reviendrai sur deux qui m'ont beaucoup fait rire. Bah, t'as un endroit où on met les morts, gros. Non, ça, c'est la morgue, monsieur. C'est pas un moratoire. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie.

Bah oui. C'est qui là qui passe à la télé? Comment? C'est qui à la télé là? Il y a question pour un champion. Ah oui. Oh mais depuis qu'il n'y a plus Julien Lepers, c'est pas pareil. Hein. Bah oui. Moi j'aimais bien Julien Lepers. Hein. Oui, comment? Mais celui-ci, c'est pas la même chose. Non, celui-ci il est plus calme. Il est plus calme, celui-là. Oui. Parce que Julien Lepers, il était toujours un peu foufou, hein. Oui. Ah oui, il était humour et puis, vraiment bien. Oui, qui c'est qui était bien, Julien ou le nouveau? Hein? Le nouveau ou Julien? Bah oui. Ouais, ok. Bah, tu me répondras demain. D'accord. C'est la part de qui? C'est Denise. Hein? Oui. C'est même plus. C'est Denise. Oui, Denise qui? Bah Denise. Oh là là, mais ça va plus toi. Hein? Ah ben non, mais écoute, je vais avoir 90 ans. Hein? Ah bah alors si t'es en pleine forme alors. Ah si pour 90 ans, t'es en pleine forme. Oui, alors tu sais. Hein? Ah t'es en pleine forme. Et puis j'entends pas très bien non plus. Hein? Je disais t'es en pleine forme. Oh là non, malheureusement. Voilà, on y arrive. Malheureusement. Ah bon? Oh là là. Mais tu nous enterres. Je traîne. Mais non, tu nous enterreras tous. Hein? Tu nous enterreras tous. Oh là non. Aussi. Oh non, aussi. Oh non. Oh si. Non. Si. J'ai quand même un point. Oh mais non. Mais tu je dis... suis à domicile, mais. Ouais. Oui. C'est comme l'hospitalisation à domicile. Hein. Oui, mais enfin, tu dis ça parce que c'est lundi, mais tu verras, tu nous enterreras tous. T'as un petit moral aujourd'hui. Oui, mais non. Oh, si, Marguerite, oh, si. Non. Si. Mais je comprends, je sais pas qui c'est. Hein. Eh ben, on va quand même dire. C'est à l'appareil, c'est pas Denise. C'est pas. Ah, c'est pas qui je suis, mais je vais lui dire. Moi, je m'appelle Coé. Comment? Je m'appelle Coé et on est sur Énergie, la radio. Non. Et on voulait vous... Bah oui, c'est pas grave. On voulait vous appeler pour vous dire bonjour. Ah d'accord, bah c'est gentil. Voilà, et vous faire un gros bisou. Vous habitez où? Alors, je vais vous donner mon adresse précise. 22 rue Boileau, à Paris. Ah oui. Ah oui. Bah oui. Ah oui, bah oui. Et vous êtes dans quelle ville? Là, je suis à l'EDF. À l'EDF? Oui. À l'EDS? Oui, Goudéac. En Bretagne? Oui, c'est en Bretagne. Ah, d'accord. Quel temps il fait? Comment? Quel temps il fait? Bah oui, c'est dans les Côtes d'Armor. Voilà. Ouais. Eh bien, voilà. Eh ouais. N'insistons pas plus. Marguerite, on dit 5 sauce ou 5 SOS? N'insiste pas. Je vous fais un gros bisou. Il y a plusieurs à parler ensemble. Ben oui, c'est ce que je leur reproche tout le temps. Ben Marguerite, bien. Je vais vous prendre comme productrice de l'émission. Hein. Je vous embrasse Marguerite, je vous fais un gros bisou. Ouais, oui, ben moi aussi. Voilà, moi je m'appelle Coé, vous me faites un petit bisou Coé? Oui. Je repasserai demain aussi. D'accord. 17h-20h, c'est le best-of de Coé sur Énergie. Gotta wait in line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Later, bitches. Bitches. my God, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. C'est le best of de Coé sur Énergie. Des centaines de médicaments et de vaccins disparaissent des rayons des pharmacies et des hôpitaux. Il paraît que c'est compliqué. Les pharmaciens lancent un cri d'alerte, paraît-il. Il y aurait... Allez bon, vous voulez, je peux aller à Poitiers, je peux aller à Beaurain dans le 62. Ah, Beaurain, c'est bien. Je peux aller. Beaurain, ouais. Tu connais ça, non, mais ça sonne bien, je trouve. C'est en 62 en plus. Ah, comme ouais, ça, alors, bah, pour la peine, je vais aller à Poitiers pour te faire chier. Ah, bah voilà, super. Voilà, dès que j'ai un truc, je... T'es à tous tes sexuels avec... Oh, Beaurain. Bon, je vais à Beaurain. Mais si ça se passe mal... Ça sera très bon, fou. Alors, j'ai un certain âge. Ah, ouais. Tu t'appelles comment? Je suis inquiet, monsieur Flouzier. Oui. Je suppose, ça existe. Comment tu vas faire? Je vais demander ça. La pilule bleue. Ben, ça, c'est important. Là, faut que je demande la pilule bleue, t'as raison. Pharmacie de l'Obel, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je vous appelle parce que j'ai entendu qu'il y avait une pénurie de médicaments. Je voulais savoir comment ça se passe chez vous, si vous avez du stock, si tout va bien. À propos de quel médicament? Bah, j'ai lu ça dans le journal aujourd'hui, ils disent que les médicaments ils baissent. Par exemple, pour mon arthrose, du glucosamine, vous avez ou pas? De la glucosamine, oui, on en a, oui. Bon, alors ça c'est bien, vous l'avez. J'ai la goutte aussi, est-ce que vous avez du Colchimax? Du Colchimax, oui, il n'y a pas de rupture là-dessus. Vous êtes sûr que c'est pour la goutte? Oui, pour tout ce qui est crise de goutte et crise d'acide urique. Bien, oui. Voilà, parce que ça sonne contre quelque chose contre la constipation Colchimax. Non, non, c'est de la colchicine pour tout ce qui est cristaux d'acide urique, monsieur. Ah, merci, madame. Alors ça, vous avez du Viagra, vous avez aussi? Oui, oui, oui. Il vous en reste? Oui, oui, oui. Enfin, nous, on fait le médicament générique. Oui, enfin, c'est l'équivalent de la petite pilule bleue, vous avez. C'est ça, tout à fait. J'ai rendez-vous samedi avec une petite jeune de 72 ans. Je voudrais pas rater l'événement. D'accord. Ça devrait aller, alors vous en faites pas. Alors, il se trouve que je prends aussi de la tyrosine pour la mémoire et mon flacon est vide depuis hier. De la tyrosine? Oui, et alors, mon médecin m'a dit d'en reprendre tous les jours, sinon j'ai tendance à me répéter. Alors, de la tyrosine, je ne suis pas sûre d'avoir ça en stock, par contre. Ah. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait une pénurie de médicaments. Comment ça se passe chez vous? Vous avez du stock? Bah, on essaye au maximum de prévenir toutes ces pénuries. C'est vrai qu'il y a certaines molécules qui sont en rupture. On passe nos commandes tous les matins, tous les après-midi pour être sûr d'avoir le maximum de médicaments. Par exemple, pour mon arthrose, du glucosamine, vous en avez? Oui, oui, oui. Ah, et j'ai de la goutte aussi. Est-ce qu'il vous reste du Colchimax? Oui, monsieur, oui, oui. D'accord. Et est-ce que du Viagra, la petite pilule bleue, vous en avez aussi? Oui, oui, comme je vous disais, on l'a uniquement sous forme de générique. Oui, parce que j'ai rendez-vous avec une petite jeune de 72 ans et je ne voudrais pas rater. Donc, il faudrait être sûr que ça marche. Et de la tyrosine, est-ce que vous en avez pour la mémoire? Parce que non, mon flacon, ça, je n'en ai pas en stock. Et vide depuis hier et mon médecin m'a dit d'en prendre tous les jours. Sinon, j'ai tendance à me répéter, madame. D'accord. Ça, je suis désolée, j'en ai pas en stock. J'étais en train de regarder pendant que vous me parliez. D'accord. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une pénurie de médicaments. Comment ça se passe chez vous? Vous avez du stock? Oui, monsieur. Par exemple, pour mon arthrose, du glucosamine, vous en avez? Oui, monsieur. Parce que j'ai de la goutte aussi. Est-ce que je vous ai pas demandé si vous restez du Colchimax? Du Colchimax, je parie. Oui, madame. Oui, oui, oui, j'en ai en stock, monsieur. Rassurez-moi, c'est bien un médicament contre la goutte, parce que, vu le nom, on pourrait croire que c'est contre la constipation, non? Non, non, c'est bien contre les cristaux d'acide urique. Merci, oui, oui, madame. Et alors, la petite pilule bleue? Oui, parce qu'il me semble que vous avez un rendez-vous samedi soir avec une petite jeune. Oui, madame, de 72 ans, je ne sais pas comment vous le savez. J'ai rendez-vous samedi soir, madame. Eh bien, vous en faites pas, on a tout ce qu'il faut en stock, monsieur. Et de la tyrosine, j'espère que vous en avez, parce que mon médecin m'a dit que j'étais obligé d'en prendre tous les jours, sinon j'ai tendance à me répéter. Je vais faire tout mon maximum pour vous en procurer, afin que vous ne puissiez pas avoir à vous radoter. Merci beaucoup, madame, c'est très gentil, ça. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une pénurie de médicaments. Comment ça se passe chez vous? Vous avez du stock? Oui, monsieur. Par exemple, pour mon arthrose, du glucosamine. Ne vous en faites pas. De la glucosamine, du colchimax, ainsi que tout ce qu'ils vous font, on en aura en stock. Oui, le colchimax, c'est pour la goutte, rassurez-moi. Parce qu'on dirait que ça fait contre la constipation, j'ai eu peur. Et du Viagra, la petite pilule bleue. Vous en avez, parce que j'ai un rendez-vous avec une petite jeune samedi soir. Quel âge elle a? 72 ans, oui. Ouais. Et je voudrais être sûr que ça se passe bien, vous voyez. Je vais vous procurer le meilleur, vous en faites pas. Merci, madame. Et de la tyrosine, parce que mon médecin me l'a encore dit ce matin. Si je n'ai pas de tyrosine, vu que mon flacon est vide depuis votre hier... Votre flacon, il est vide depuis quelques depuis jours. Depuis hier, madame. Non, hier, madame. Ah, hier. Il me dit que sinon, j'ai tendance à me répéter. D'accord. Oui, je vois ça. Je vais vous en procurer, dans ce cas-là. Oh, merci beaucoup. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une pénurie de médicaments. Comment ça se passe chez vous? Et vous voudriez pas prendre un petit papier et noter ce que je vais vous dire afin que vous n'ayez pas à vous répéter bien sûr, moi non plus. Alors, vous avez du stock? Oui, monsieur. Alors, on a du stock sur les médicaments. Alors, vous avez du stock. De la glucosamine, est-ce que vous avez? Oui, on en a, monsieur. Bien. Pour la goutte, il faut que je prenne du colchimax. Tout à fait, oui. Rassurez-moi, c'est bien pour la goutte, ce truc. Je vais vous laisser, monsieur, parce que la pharmacie est pleine et je n'ai pas le temps de m'amuser trop longtemps. La vessie est pleine? Je vous souhaite une bonne soirée. La vessie est pleine. Tout à fait. Bah, écoutez, dans ce cas-là, vous pouvez aller aux toilettes. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Elle est gentille. Ah, c'est énorme. Elle est patiente. Elle est patiente. Hein. Elle est gentille. Oh, bah, elle est super gentille. Ouais, une autre, elle t'aurait chier de ouais. J'ai dit combien de fois que je voulais du... 5 fois, moi. Il faut la rappeler. Ça rappelle là pour lui dire que c'est nous. Oui. On va lui faire, un bisou. Je veux bien une boîte de Colchimax. J'aime bien le nom. Très patiente. C'est vrai que Colchimax... On a l'impression que c'est quand tu fais liquide, prenez du Colchimax. Ça va tout coller. Tout coller un max. Allez, on va lui faire un bisou quand même. On est à Borin dans le 62, c'est ça? Borin. Ah oui. Pharmacie de l'Aubel, Audrey, bonjour. C'est vous que je viens d'avoir au téléphone? Non, c'est pas moi, c'est ma collègue, monsieur. Alors, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Et elle est très patiente. Est-ce que vous pourriez me passer votre collègue qui est adorable? Vous êtes sûr? Qu'elle est adorable? Oui. Vous la connaissez plus que moi, mais elle a l'air adorable. Enfin, je sais pas, je vais pas la comprendre. Elle avait l'air gentille, en tout cas. C'est pas scientifique, mais au feeling, comme ça, je veux dire, c'est sympa. Allô? Oui. C'est vous? Oui. C'est Coé, à l'appareil, on est sur Énergie. D'accord. Et on voulait vous faire un bisou, vous avez été top. C'est vous, mademoiselle, que j'ai eu il y a 2 minutes pour le Colchimax. Énergie, Coé de chez Énergie. Voilà, Coé de chez Énergie, ouais. Il n'y a pas de mémoire. C'est laquelle que j'ai, là? C'est la sympa ou l'autre? Allô? Oui. Allô? Oui. C'est vous? Je suis en train de travailler. Mais hein, vous êtes laquelle? C'est pour... Donc, du Colchimax. Oui, je le sais. Ah, c'est vous, d'accord. On voulait vous... on est un peu au boulot, donc j'ai pas vraiment... Ah, nous aussi. Mais on voulait vous faire un bisou. Oui, bah non, en fait. Allez, Ah bah tu vois, effectivement. La pharmacie de l'Aubel à Borin, vous étiez plus sympa il y a 2 minutes. Bah, il préfère les vieux que Coé. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Gagnez votre enceinte connectée avec le double kit Énergie. Hey, what's up Énergie, c'est DJ Snake. Écoutez Énergie toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec 2 titres de DJ Snake à la suite, appelez Énergie 3937. Et gagnez pour Noël votre enceinte connectée Amazon Echo pour écouter Énergie tout le temps. Énergie, hit music only. Que vous soyez fan de Transformers ou non, vous allez adorer Bumblebee. Moi j'ai kiffé. Il y a de l'action, il y a de l'humour. Belle histoire d'amitié. Ouais, j'ai adoré. Bumblebee. Le Transformer que j'attendais. Incroyable. Touchant, plein d'action. Super. C'est en mode de années 80. Pour tout public. Bumblebee, le blockbuster événement de Noël. Allez le voir. Mercredi au cinéma.

17h-20h, c'est le Best of de Coé sur Énergie. Vous êtes prêts pour le qui roule? Oui. Pour la famille Poincelot, qui est en ligne avec nous du côté de Nancy. Comment ça va la famille? Vous êtes en forme? Bonjour Coé, bonjour l'équipe. Bonjour. T'as vu, on sent que c'est la mère de famille tout de suite qui paf, elle prend le truc. C'est quoi le prénom de la maman? Élise. Ça va Élise, en pleine forme? Ça va tout bien. Le papa s'appelle, ça va tout bien aussi. Le papa? Hicham. Il n'a pas la parole, il ne sait pas parler, il ne peut pas s'exprimer? Il conduit. Bah, il conduit, il peut parler, enfin, c'est qu'un kit main libre. Écoute. Bien, voilà. Hicham. Voilà, c'est ça. Et les enfants s'appellent? Maya. Ça va? Maya? Naya. Naya. Moi? Naya. Oui. Maya. Merci. Maya. Tu as quel âge, Maya? On a compris. Maya. On a compris. Koé n'est pas encore sourd. Maya, tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. Et à côté, il y a qui d'autre? Il y a encore un autre enfant? Alban, oui. Oui. Ça va, Alban? C'est quoi ça? J'ai rien compris, Alban. Il a dit, c'est quoi ça? Alban, ça va? Tu m'entends? C'est Koé. Vas-y, dis oui. Allez. Tu dis bonjour? Ça c'est marrant les enfants. Ça parle jamais quand il faut et ça parle quand il faut pas. Toujours. C'est quand c'est tu regardes un film que ça gueule et quand tu leur dis de parler ils font non. J'ai plus envie. Allez, attention, concentrez-vous. Il y a quoi à gagner? Une belle télé. Une belle télé? Oui. Une télé, une très belle télé. C'est la marque. C'est la marque, c'est une belle télé. Est-ce que vous avez quoi comme belle télé? J'ai le modèle de belle télé. C'est mieux qu'avant. Avant on avait des télé LED. Maintenant ils ont compris, ils ont mis des belles télé. Attention. LED, LED, hein, pour ceux qui n'ont pas compris la vanne. Voici la première question pour le papa. Hicham, cite-moi 5 joueurs champions du monde en 98. Zidane. Ouais. Thuram. Ouais. Tugari. Ouais. Pires. Ouais. Et Barthez. Oui, Barthez, oui, bien Barthez, je te la valide. Un point, Hicham, bien joué. Bien joué. Question pour la maman. Attention, vous êtes à deux doigts de gagner la belle clé. Maman, cite-moi 3 symptômes de la ménopause. Pardon. Moi, j'ai pas. Des bouffées de chaleur. Oui. Être énervé. Oui. Oui, oh, ça, est-ce que vous l'êtes pas tout le temps? Oui. Oh. Mais oui, être plus sensible, c'est vrai. Avoir mal au ventre. Oui, avoir mal au ventre, tout le monde. Ah, tu gossais, ça compte. Vous avez décrit tout ce que j'ai. Hein. Ouais, t'as la ménopause. C'est la ménopause, merde. Je vous le valide. Voici la dernière question pour Maya. Ouais. Maya, écoute bien, Maya. Maya, si tu gagnes et que tu as la réponse, vous gagnez une grosse télé. Une belle télé. Non, maintenant elle est devenue grosse. On a changé de marque. Je te la mets LED si tu veux. D'accord. Oui. Si jamais tu te trompes, vous n'aurez rien du tout. On vient prendre la télé à la maison. On la laisse sur l'autoroute. Par contre, vous ne jouez pas. Oh non. Si. Si elle perd, bien sûr, il a dépôt sur l'autoroute. Non. Maya, tu joues pour un dépôt sur l'autoroute. Attention, voici la question. Personne ne l'aide. Cite-moi un truc qui pue en 5 lettres, qui commence par P et finit par T. Un truc en 5 lettres. Fruit. Comment? Un fruit. Ça marche toujours, hein. La télé est gagnée. Bravo Élise, bravo Hicham, bravo Alban, bravo Maya. Maya, je te fais un gros bisou, c'est grâce à toi Maya. Bisous Maya. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. You've been dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. Pour a glass and bite my tongue, you say I'm the only one. If it's true then why you run? If you love me, let me hear you. Say my name. come on. Escucha como digo tu nombre. Desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me hear you. Est-ce que Sylvie dit, est-ce que tu peux te RK, il se fait défoncer ou pas? Je ne sais pas. L'écho, il est là? Oui. Alors, d'abord, est-ce que j'ai tout le matos? C'est le moment de vérifier si tout marche bien. Est-ce que les choses vont bien ce soir? Ça, ça marche. Ok, pas mal, on le gère, c'est bien checké, je la refais. Est-ce que c'est chaud ce soir? On l'appelle l'effet Big Flo et Oli. Je la refais, je vais voir jusqu'où il peut aller. Okay. C'est chaud! Ah ouais. On a de la réserve. Ouais, ouais, ah bah là, t'es tombé dans un puits très profond. Bon, ça y est, ça c'est bon. Est-ce que j'ai les musiques qui vont bien? Attention. Ah, pas très fort, hein. C'est ça, pas c'est assez fort tout ça. Hein. Ok, j'ai mes sons. Très bien. J'ai donc maintenant je peux faire la petite annonce. Alors, j'ai donc trouvé la petite annonce qui va bien. C'est quelqu'un qui cherche. Vous pouvez peut-être m'en dire plus, monsieur Guy Claude. C'est quelqu'un qui cherche un DJ pour Noël. Petite annonce qu'on a trouvée sur Facebook. Un DJ pour une soirée de Noël en famille, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, en fait, c'est une grosse famille. Ils sont un peu plus d'une centaine. Oh là là, centaine. Voilà la grosse soirée. Ah ouais. Ils ont loué une salle des fêtes pour Noël. Et ils cherchent un DJ. D'accord. Ah vache. Eh bien, si on cherche un DJ, ouais, qui c'est qu'on trouve? On trouve DJ Babas. Il est où le téléphone là-dessus? Là. Merci beaucoup. On est parti. Tu envoies la communication. Communication. On est parti. On est chaud. Ouh, ambiance, son maximum. C'est top, c'est génial. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, je vous appelle. C'est vous qui avez passé une annonce. Bonsoir, madame. C'est vous qui avez passé une annonce pour la recherche d'un disque de jockey pour une soirée, celle de Noël. Oui, tout à fait. Pourquoi vous riez? Non. Dites-moi, je vous écoute. Non, je vous ai entendu faire. Parce que voilà, moi, DJ professionnel depuis des années, 15 ans de métier, disco mobile, 22 000 watts de puissance sonore, 12 000 watts de puissance lumineuse, je peux venir avec vous, je m'occupe de l'ambiance, je m'occupe de tout. Déjà, est-ce que vous êtes OK? Are you ready? Oui, on va voir ça. Démonstration? Allez, pourquoi pas? OK! Bien sûr, une ambiance extraordinaire, l'ambiance de DJ Babas. C'est Noël là. Tu as envie de t'éclater, je suis là. On the ring to stay, on the day, DJ Babas. Une ambiance de folie, une ambiance signée, DJ Babas tonight. C'est parti! Je n'ai même pas votre prénom. C'est Gaëlle. Gaëlle est avec nous ce soir pour une ambiance maximum. Jingle bells! Gigi Baba, c'est également le techno of style. Tu aimes Baba Noël, tu aimes Baba Noël, tu as fait ta liste à Baba Noël. Oh, elle est là pour moi. Didi Baba, c'est évidemment un truc de folie, une folie toujours. Est-ce que tu as envie de différents types de musique? Didi Baba, jusqu'à n'importe quel moment de la nuit ce soir, pour la fête de Noël. vraiment des choses ce soir, mais c'est moi qui vais également des bar mitzvah. Gigi Mamas, toujours avec son public, il se déplace, écoute-les comme ils sont chauds. Également, Gigi Mamas ce soir dans une ambiance beaucoup plus calme. Je fais les enterrements à la mémoire de Sylvie et Janine. Oh non. Le recueillement. Gigi Mamas, c'est également le moment de se poser. Ah bah oui, c'est très temps. Tu crois que c'est fini? Et non, c'est pas fini. L'ambiance au maximum, évidemment, je gère les enterrements. C'est le cas de dire, toujours une petite blague même dans les enterrements, je la case. Allez, on y va, allez, tous en boîte. Je sais pas si je suis pris, mais pour l'instant, je suis chaud. Et voilà, peut-être que tu veux une ambiance peut-être un petit peu plus sobre. Tu veux plus sobre? Ah bah là, ça peut être foraine. Hein. Tu veux plus sobre? Un petit peu, oui. C'est, oui. Je recherchais plus années 80. Oui. Ok. Chucky, ta carrelle. L'ambiance bien sûr des années 80. Sans oublier le Chucky, Chucky, Chucky, Chucky. Les coups en arrière. J'ai toutes les ambiances ce soir. Allez. Allez, oui, je fais la grande classe. Tu me demandes où les grenichons, je l'ai, mais j'ai également mon célèbre tube, ton le gazon. Ok, la démo est terminée, je suis prêt ou quoi? Ok, je prends ça pour un non peut-être, je prends ça pour un oui. J'hésite, c'est un rire gras, je ne sais pas ce que je vais en déduire. Je suis pris ou pas? Non, je suis désolée, mais je crois que là, mes grands-parents vont faire un infarctus. Ah, il y a les grands-parents qui seront là? Oui, parce que voilà, j'avais réservé. Pour mes grands-parents, pour ma famille, pour Noël, voilà. Évidemment, bien sûr, on embrasse sympa. Les grands-parents. Comment s'appellent-ils? Les prénoms des grands-parents? René et Suzanne. On embrasse René et Suzanne. Tous en boîte. Voilà. Oula. On lui fait un gros bisou à Gaël. Je m'appelle Koï, on est sur Énergie. Allez, alors, allez, une patience. Je te fais un gros bisou. Vraiment, tu es adorable. Mais, wow. Mais sinon, je suis pas pris. Vraiment, par contre. Pardon. Je suis pas pris, je veux dire, au niveau du. Je suis pas pris pour la soirée. Je suis pas pris. J'étais morte de rire là. Mais non, mais c'est pas une question. Je suis pris ou je suis pas pris pour la soirée, c'est... Ah bah non, mais Koé, mais grave, mais t'es voilà pris. Voilà, c'est ça que je voulais. Je t'envoie le devis. Tu t'attends. D'accord, très bien. Il y a quoi qui m'attend? Une chambre. Une chambre. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Mais est-ce que vous imaginez? Non mais on va Gaël, on va te garder deux secondes. Mais est-ce que vous imaginez le DJ qui est là, il fait un truc, il met la musique d'ambiance et tu sais pas pourquoi il se trompe de bouton. Ça peut arriver. Ouais, bien sûr. On est là pour le mariage de Béatrice et Roger. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Le mariage bien beau. Je n'ai jamais entendu cette chanson. Des gros nichons de ballons. On a été à chercher loin, ouais. C'est le nouveau Martin Solveig. Allez. Gros bisous, je t'embrasse. Bravo. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes, toi tu donnes quand t'es toi. Tu donnes tellement, rien qu'en vivant, tu donnes, ce

Leclerc. Maman, je te vois avec ma boîte de chocolat. J'adore ces assortiments de chocolat Suchard. Eh bien, parfait. En ce moment, chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur la boîte marché de Noël de Suchard. 30% sur tes chocolats préférés. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 18 au 31 décembre, l'assortiment de 300 grammes de chocolat marché de Noël de Suchard avec 30% de réduction immédiate est à 5,52€, soit 18,40€ le kilo. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. On y goûte. Pour votre santé, bougez plus. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Et le public, ça va? Vous êtes bon en orthographe? Vous l'aviez vu qu'il s'était trompé, jeune homme? Tu l'avais vu, oui, ou pas? Bien sûr. Oui. Voilà, alors voici le test d'orthographe du public. Je vais donc vous donner des mots. Personne n'aide personne. Vous allez me donner lettre après lettre. On y va? Je nomme le prénom. Fred. Fred, appelez-moi accueil. A-C-U-E-I-L. Très bien, bravo. Oh, c'est facile ça. C'est facile ça. Ascenseur. Oh putain. A-S-C-E-N-C-E-U-R. Très bien, très bien. On est balèze, très bien. Jeune homme à côté. Antarctique. A-N-T-A-R. Tu t'es endormi là? Je suis narcoleptique. Non, ça va. Je m'endors pendant les phrases. T'as fait Antar. Là, t'as fait une pub pour les stations-service. On va continuer. T-I-Q. Non, non, non, il te manque un truc. On reprend depuis le début. A-N-T-A. Non, c'est bon. Oh. On refait. Attention, il y a un point. Qu'est-ce qu'il y a, Stouf? Il y a une faute dans l'ascenseur, non? Ouais. Bah, on va revenir en arrière. Il fallait le dire avant, pas deux heures après. Mais parce que... Tu sais quoi, la prochaine fois, tu m'appelleras vendredi. On a délibéré. On y va, on reprend ascenseur. A-C. Ok, non, alors il est où le buzzer? T'as un son à envoyer? On parlait. Mais alors, parce que tu parles, tu fais pas d'autre chose. Mais toi. Parce que je peux pas. Un son à envoyer, le mec il est là, il fait non, je peux pas, je parle. Incroyable. Ouais, mais s'il parle. Non. Ah, si. Non. Si. Non. Personne n'aide. Alors, A-S E N. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit A-S-C-E. On reprend. A-S-C-E-N-S-E-R. EUR. T'as essayé de m'avoir à la fin là. EUR. Bon, je valide. Antarctique, tu t'en sors ou pas? Ça fait une heure. A-N-T-H-A. Oh là, tu m'as mis un H depuis. Ah, on y va, on continue. Non, c'est pas ça. On reprend. Il est en thalasse. Il est en souffrance. Il est en souffrance. A-N-T-A-R-T. C. C'est... Tu t'es endormi? Dès qu'il a une émotion, c'est... Je reviens vers toi dans un instant. La demoiselle à côté, le prénom? Sarah. Oui, ou buzzer? Il est en quel son là? Parce que toi, tu sais pas quand le mettre. Il est en quoi? Non, il est loin. Ah bah c'est dommage parce que... C'est bon, je vais l'avoir. C'est bon. Attention, on y va. Apparemment. A de B A R E M E N T. On reprend. A de P A de R E A de P A R E M C'est simple. On va y arriver, allez. A de P. On y passera le temps qu'il faut. R E de M E N T. Bravo. On revient à gauche, Antarctique. Il va se rendormir. Il a peur. Antarctique, Fares, on ne voit que toi à l'image, je te jure. Tu sais qu'il peut le tenir le micro, il a des mains. Hein. Il n'a pas encore été pris par le glyphosate, hein. Il peut s'en sortir. Hein. A-N-T-A-R-T. Non. Oh. Oh. Fais la moitié. Je te jure, t'es vraiment pas loin. Réfléchis encore un tout petit peu. Et on y va. On y va. Personne n'aide, tu crois que je t'ai pas vu derrière? D'ailleurs. Tu crois que je t'ai pas vu la souffleuse là? Cramé. Allez, on reprend. A-N-T-A-R. Ah oui, t'as mué sur le R, attention. C-I-E-T. T-I-Q-U-E. C'est ça! On va changer un petit peu. On va prendre le jeune homme qui est derrière, qui s'est planqué derrière Bichette en se disant là, personne viendra me chercher. Bien vu. C'est raté. Mitoyen. M-I-T-H. M-I-T. Non, ça c'est mytho, ça, c'est pas vrai. M-I-T-O-Y-E-N. Excellent. Bravo. Reviens là-bas, reviens là-bas. Mademoiselle, oh, elle est toute jeune, rappelle-moi ton âge. 14 ans. Alors, simplé. T'as pas choisi le bon mot, mais t'as bien fait. O-R-D-A-S. Non, ça s'écrit bordasse, mais ça se prononce simplé. Alors, vas-y, simplé. Hein? Allez, on y va, on fait un effort, on regarde pas maman. S. Oui, dans le micro. Dans le micro. S. Est-ce qu'il gueule? Ah, mais je veux que j'en dise dans le micro, ils remettent dans le micro. S. I. M. P. L. E. T. Oh là là, c'est bon. On va aller derrière. Voilà, derrière. Ouais, j'ai envie de toi, avec tes lunettes. Oh, dis donc. On y va ? J'ai envie de toi. Quinoa. Facile. Comment ? Facile. Bon, c'est ce qu'on va voir. Attention, hein. Q-U-I-N-O-A. Bravo, excellent. La demoiselle à côté, on y va. Le prénom ? Dorothée. Prépuce. P-R-E accent aigu, P-U-L-S-E. Prépulse. C'est un prépulse. C'est le prépulse. C'est avant le pulse. Ça va les gars, ça pulse. Ouais, ça prépulse. C'est avant le pulse. Pousse-toi, jeune homme. Je n'arrive pas à la voir. Pousse-toi un petit peu comme ça. Non, pas toi. Lui, devant. Antarctique, pousse-toi. Antarctique, pousse-toi. Il me fatigue ce soir. Ils sont désordonnés. On retourne, c'est pas ça. Je pourrais écouter ? Prépuce ? Oui. Bah, prépuce. P-R. E-P-U-C-E. Oui. Tout simplement. Le Preppers. À gauche toutes. À gauche toutes. Sweatshirt. Ah, il n'y a plus de micro là. Ouais. S-W-2-E-T-U-N-I-O-N. Non. Bah, S-W-2-E-T-H. Non. C'est pas doux. Ouais. S-W-2-E-T. Oh. Si tu me répètes à chaque fois la même chose, je te remettrai à chaque fois le truc. S-W-2-E-T. S-W-E-T. On n'a pas dit sweet shirt. Les sweats. Ni sweat. J'aurais dit ma grande phase. On y passera le temps qu'il faut. C'est horrible. Mais on aura cette histoire de sweet shirt. S-W-2-E. Elle repart sur le S-W-E-A-T S-H-I-R-T. Et voilà. Et nous allons terminer par la demoiselle. Deuxième rang, brune, juste à côté de notre ami Prépulse. Le prénom ? Nadia, on y va. Des soutiens-gorge au pluriel. Alors, S-O-U-T-I-E-N-S trait d'union G E-O-R-G-E-N. Non. Soutien Georges. Soutien Georges, c'est une dame qui vient le soir parce que. Soutien Georges. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans, assombrir ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télé.

Est-ce que tu as un micro à côté de toi, Angélique? J'ai un micro à côté de moi, oui. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas un micro de karaoké, mais un micro qui diffuse dans le magasin? C'est bien un micro qui diffuse dans le magasin. Est-ce qu'il y a encore des clients, Angélique? Il y a encore des clients, bien sûr. Et évidemment, 18h35, c'est un peu pleine bourre, là. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez Kiabi? Qu'est-ce qu'on peut avoir de bien? C'est la mode à petit prix. Alors, en ce moment, on a vraiment une grosse promotion sur les grosses pièces. Donc, tout ce qui Jeff, est écoute. Vraiment... Ah, c'est les doudounes. C'est vrai, en plus. C'est pour les grosses pièces, la écoute. Famille. Sur les doudounes, sur les manteaux. Les doudounes? Oui, bah oui. Et ils font les très grandes tailles pour les hommes. Ils vont jusqu'au 5XL. Non, c'est vrai, hein. Alors, vous savez quoi? Je vous donne le texte. Je vous écoute. De 17h à 20h... De 17h à 20h. Écoutez Coé sur Énergie. Écoutez Coé sur Énergie. Et chez Kiabi. Et chez Kiabi. Et chez Kiabi. Venez toucher nos doudounes à petit prix. Attendez. Ah bah si, et ah bah si. Kiabi, bah si. C'est l'arrivage des doudounes, c'est le moment. Bien sûr. Ah oui. Venez toucher nos doudounes à petit prix. Nos doudounes à petit prix. Ça roule. Ah bah, je sais pas si elle roule, mais. Alors, oui, j'ai une faveur à te demander. Laquelle est-elle? Alors, vous savez quoi? On fait un troc. 50-50. Vous faites le message, je fais la faveur. Voilà. Alors, faudrait venir nous aider à vendre nos doudounes parce qu'on en a énormément. Ah bah, écoutez, vous êtes dans quel coin? On est du côté de Boulogne-sur-Mer. Ce week-end, je suis au Touquet. Je vous propose samedi de venir vers 16h. Oh oui. C'est une vanne. Alors, attention. Vas-y, sérieux. C'est à côté de chez toi. Bon, attends, j'attends mon message et on va voir ce que ça donne, d'accord? Alors, je vais entendre le message dans le micro. Hein. Chère cliente, allez-y. Allez-y. Alors, chère cliente, de 17h à 20h, écoutez Coé sur Énergie. Et chez Kiabi, venez toucher nos doudounes à petit prix. Ouais. Elles vont disparaître. Là, tous les gens ils vont dire où est-ce qu'on peut toucher des doudounes? Alors, entendu le message. Est-ce que je pourrais faire une petite dédicace? Oui. Allez-y, Angélique, vous avez bien le droit. Alors, je voudrais faire une dédicace à tous les kiabeurs, aux Smarties et à Jérémy qui a cru que c'était un canular. Donc, on C'est vraiment moi. On est sur Énergie et je vous embrasse et embrassez tous les gens de chez Kiabi qui bossent avec vous. D'accord, Angélique? D'accord. On attend ta visite. Samedi 16h, préparez-moi un 4/4. J'arrive et je vends les doudounes. Préparez les doudounes aussi. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Au Koweït, un homme a été arrêté lors d'un contrôle routier et le policier trouve que le conducteur a mauvaise haleine. Ouais. Mais vraiment, vraiment mauvaise haleine. Mm-hmm. Au point que le policier lui émet un PV pour ça. Ah, c'est dégueu. Ah non, ça se fait pas. Alors le mec a contesté le PV, il l'a pas payé. Ah ouais. Parce que non, ce n'est pas une raison. Hein. Ça doit être la honte quand même s'il y a un procès, un truc. Ouais. Tu vois, d'arriver si tu vas en prison pour ça, j'aimerais qu'il y ait une banque et toi, ben rien. Manu dans le 6-9. Money, money. 6h, 9h30 sur Énergie. Leclerc. Maman, je te vois avec ma boîte de chocolat. J'adore ces assortiments de chocolat Suchard. Eh ben parfait. En ce moment chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur la boîte marché de Noël de Suchard. 30% sur tes chocolats préférés. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 18 au 31 décembre, l'assortiment de 300 grammes de chocolat marché de Noël de Suchard avec 30% de réduction immédiate est à 5,52€, soit 18,40€ le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. On y goûte. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Chers voyageurs, notre route continue direction la forêt des sapins de Noël. Regardez, ce ne sont pas moins de 50 gigas de data qui sont tombés cette nuit. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous allez pouvoir tous en profiter. À Noël chez SFR, on remplit sa hotte de gigas. Jusqu'au 7 janvier, le forfait Power 50 gigas 4G+, est à prix cadeau. 10€ par mois pendant un an, puis 25€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Énergie, it's music only, avec Ariana Grande en concert. La superstar Ariana Grande

qui a la même voix et tout. Le gars qui parle comme ça, imaginez une moustache, une pipe que je n'ai pas. Et je suis le fan de Georges Brassens et je veux acheter la chanson de Georges Brassens. Ah bah. Je veux la maison. Du coup, ils peuvent peut-être te faire un prix. Ils peuvent peut-être me faire un prix. C'est possible. Tu sais, tu le tiens bien. Hein. C'est énorme. Le Napoléon. Je mets le doigt, ça fait la moustache. Oui, c'est psychologique. J'appelle l'agence. Ah, peut-être que c'est fermé. Il est 19h. Attends, je fais pas une photo de toi. C'est pas grave si c'est fermé, je rappellerai demain. Oh, décidément. C'est dommage. C'est dommage. Je vais le faire en chanson, ça passera bien. C'est dommage si c'est fermé. Je rappellerai demain. Ça m'étonnerait qu'ils vendent la maison. Entre ce soir et demain, je rappellerai. Allô? Allô? Allô? Ah, bonjour, mettez du temps. J'étais en train de chanter. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis fan inconditionnel de Georges Brassens, également sosie depuis 1978. Ouais. J'appelle pour la demeure. Pour la demeure, Georges Brassens? Oui. C'est bien chez vous? Oui, mais vous appelez un peu tard. Monsieur. Alors, je sais, monsieur, les obligations professionnelles. Donc, j'avais quelques questions simples à vous poser. Non, mais je dis vous appelez un peu tard parce qu'elle est vendue. Oh mon Dieu, quelle tristesse. Oui. Elle est vendue au prix affiché? Elle est vendue, ah bah oui, bien sûr. Oh, on vend toujours au prix affiché. Là, je suis déçu. Surtout la maison de Georges Brassens, vous imaginez bien qu'on va pas la brader. C'est le cœur rempli de chagrin que je viens d'apprendre la nouvelle. Cette fois-ci, j'aurai pas la maison. Je sais pas où j'irai en vacances. Je suis tout triste. Non, non, soyez pas triste, soyez pas triste. J'ai une autre question. Habiter dans les Côtes d'Armor, j'ai un peu peur de me faire chier. Mais cette maison, quelque part, je l'adore. Est-ce que vous en avez une qui ressemblerait? Gare à l'ennui. Non, dans les Côtes d'Armor, on s'ennuie pas. Non, non, non, non. Bon, il y a plein de choses à faire. Faut regarder les poissons passer. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là. Cette maison, je pourrais pas l'acheter. En fait, je suis fan de Booba. Y a-t-il une autre maison dans le quartier? Mais gare à Caris. Ah là, c'est une autre histoire. Il est énorme. Il est énorme. Comme tout. Bravo, monsieur. Il est super gentil. Alors, on arrive trop tard pour la maison. Ah, dégoûté. Je m'appelle Coé, monsieur. On est sur Énergie. Bon, désolé de vous déranger si tard. Vous devriez être fermé. Non, non, non, mais vous ne me dérangez pas. Mais elle est vraiment vendue? Bah bien sûr qu'elle est vendue, sinon je ne vous dirai pas qu'elle est vendue, sinon j'essaierai de vous la vendre. Bah oui, je sais bien. Surtout à vous, parce que vous devez avoir des moyens énormes. Bah ouais. Mais non, mais je vous en aurais plus j'en ai d'autres. Hein, j'en ai d'autres. Vous en avez d'autres? C'est vrai? Ouais, ouais. Des maisons de stars? Des maisons de stars, ah oui, j'en ai plein, oui. Bon, on verra ça une autre fois, hein, parce qu'en ce moment, c'est chaud quand même. Je vous embrasse. Allez, bonne soirée. Bon courage, à bientôt. Au revoir. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. You take the shots as if you're bulletproof. You mention Sur Énergie. Cédric, c'est toi qui as bazardé la collection d'Hello Kitty et elle a porté plainte contre la société de déménagement. Exactement. Et t'as jamais dit que c'était toi ? Non. J'ai peur. J'ai peur d'elle. Ta nana, c'est quoi ? C'est Thor ? Niveau super-héros ? Non, c'est Thor, en fait. Elle te fait peur ? Ouais, elle fait peur. Donc, mais non, arrête. Ah, si, ça existe. Hein. Mais non, ça existe. Non, mais je sais pas. Non, mais vous savez pas sur le plateau, mais elle me fait peur. Oui. Là, je suis rentré du foot, en fait. Et là, je suis devant chez moi, mais j'ai peur. Mais qu'est-ce qu'elle va dire ? Je veux pas rentrer. Je suis devant chez moi. Tu sais quoi ? Je veux pas rentrer. Parce qu'elle est capable de... Non, franchement, elle est capable de péter un plomb. Mon ami, compte sur moi, gère immédiatement la situation. Mais comment tu vas lui dire merci, ça, toi ? Merci, Corinne. Très simplement. Je peux comprendre. Je veux dire que l'info est revenue jusqu'à moi. Elle s'appelle comment ? Comment elle s'appelle ? Céline. Kitty. Oui, Chou. Ah non, c'est pas Chou. C'est Coé à l'appareil. On est sur Énergie. Comment ça va ? Ça va, merci. Ça va bien. Je suis désolé, je suis pas Chou. Je suis Chou également dans la vie, mais voilà. Mais pas le vôtre, pas votre Chou quoi. Ça va, okay. Céline ? Ça va. Alors on était en train de discuter avec Cédric qui est en ligne Chou. Avec moi, hein, Chou. Ok. Cédric, fais un bisou à ta femme. Même ça, t'as peur. D'accord. Je passe à la radio là ou oui, pas ? Oui, bienvenue sur Énergie. Non mais là, ouah, d'accord, ok. Voilà, elle est charmante. Au moins ça c'est fait. Cédric, elle est charmante ta chérie, comme tu nous le disais. Mais... Ah, c'est gentil, merci. Ouais, il me disait, ma nana, elle est géniale. C'est une crème. Non, c'est une crème, je peux te lui dire si. Mais non. Donc, c'est vrai. Oui. Ah, c'est vrai. Alors, il me parlait aussi de ce problème qu'il y a eu, et c'est pour ça qu'on voulait t'appeler. Oui. Ce problème de vol par ces odieux déménageurs. La collection. Qui... ma collection d'Hello Kitty. Eh oui, ouais, c'est ça. Mais alors, il y a des déménageurs. Autant il y en a des sérieux, mais il y en a. C'est, voilà, c'est vraiment. Tu les as pas vus piquer le carton ? Comment ça s'est passé ? Bah non, en fait, on a ouvert les cartons et j'ai pas retrouvé ma collection d'Hello Kitty. Cette collection, elle représentait quoi ? Il y avait beaucoup de personnages ? C'est quoi ? C'était. Bah oui, enfin voilà, c'est ma petite collection à moi, quoi. Je comprends bien. Voilà. T'y penses encore ou. Hein ? T'y penses encore ou t'es passé à autre chose ? Non, j'y pense encore, mais bon, c'est comme ça. Voilà, il y a plus grave dans la vie. Bah oui, bien sûr. Voilà. Enfin, t'as quand même porté plainte contre la société de déménagement. Oui, tout à fait, il vous l'a dit. Et il l'a dit. Il l'a dit. Alors, il a pas dit que ça. Il a dit d'autres choses. D'accord, ok. Oui, effectivement, j'ai porté plainte. Bah, en même temps, voilà, j'y connais un petit peu quand même. Donc voilà, j'ai porté plainte. Pourquoi tu t'y connais un petit peu ? Pardon ? T'as dit je m'y connais un peu, c'est pas ça que t'as dit ? Non, j'y tenais beaucoup. J'y tenais. Voilà. Avocate. Voilà. Oui. Tu sais, des fois, c'est fou, hein, parce qu'on est là, dans les déménagements, des fois, on pense que les choses ont été... volées alors que des fois elles ont été simplement jetées bêtement. Oubliées. T'as vérifié toi que t'avais pas jeté ça par hasard, sans par erreur, Céline ? Ah non, c'est moi qui ai fait le carton, c'est moi qui ai fait le carton de. Moi qui ai fait les cartons de déménagement, donc j'aurais dû. Enfin voilà, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est toi qui l'as mis dans le carton ? Tout à fait. Ah oui, donc ça voudrait dire que le gars qui a voulu les prendre, il a ouvert le carton, il les a pris, et ceux qui a voulu les jeter, il les a... Il y avait marqué collection d'Hello Kitty sur le carton. En plus, voilà. Alors on ne pouvait pas se tromper. Il l'a fait exprès, quoi. Alors. Ouais, ouais, c'est un acte criminel. Ça ne peut pas être une erreur. Voilà, mais oui, pourquoi vous me dites tout ça, là? Cédric, elle va te défoncer. Ne rentre plus chez toi. Cédric, non, mais je suis pas là. Cédric, prends l'appli Airbnb tout de suite. Tape chambre d'hôtel Strasbourg. C'est loger.com. Ouais. Ah d'accord, ok, bon. Attends, alors, donc, c'est alors, Céline. Oui. Il se trouve. Assieds-toi déjà. C'est bien moi. T'es debout? Je suis debout là. Assieds-toi. Tu vas rire. Non, je m'assois pas là. Je suis bien debout là. Alors tu vas rire. Mais la collection, je vais essayer de le dire. Oui. La collection d'Hello Kitty, c'est pas les déménageurs, c'est ton mec qui l'a acheté. Voilà. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non. Si, c'est chaud, c'est ça, c'est moi. T'es sérieux? Bah oui, mais bon. Bon, non. Là, t'es sérieux, chou? Bah oui. Non, mais là, franchement, j'ai envie de chialer. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, ça va. Et non, mais attends, petits, j'ai pas compris. Redis-moi tout, s'il te plaît. En gros, j'ai jeté ta collection d'Hello Kitty. C'est pas. Mais pourquoi t'as jeté ma collection d'Hello Kitty? Elle va te tuer. Oui, non, mais t'as mal, là, t'as 10 milliards de collections, hein. Une en moins ou une en plus. Non, mais attends, Chou, là, j'espère que c'est une blague. Non, c'est une blague, Chou. Non. Tu peux arrêter de dire chou à chaque phrase. Parce que ça donne faim de ouf. De l'extérieur, c'est bizarre. Jeff, il a pas eu son dessert, il entend chou. Donc... non, mais sérieusement. Il avait peur de te le dire. Parce que voilà, quoi. Bah attends, il peut avoir peur de me le dire, il a aucune raison de faire ça. Donc bon, moi, je suis bien gentil, mais ça va deux minutes, quoi. Donc, c'est vrai que c'est vrai. Il a 30 ans et Hello Kitty, c'est pour les enfants. Hein. C'est vraiment un truc, pardon, moi. Pardon? Non, oh là, pardon. Non. Arrête là, ça va. Hello Kitty. Attends, c'est pas parce que tu passes à la radio qu'il faut que tu t'enflammes. D'accord? De 1. De 2, tu sais très bien que j'y tiens. Je vois pas pourquoi tu me fais ça. Tu me fais mal gratuitement. Et de 3, je suis beaucoup trop gentille avec toi. Hein. Céline, ça mériterait même une. Tu as le droit, tu as un bon pour une insulte là. Je Tu peux y aller. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est que ça va se régler en interne et. il est devant la maison. Il paraît qu'il est devant. Ma collection d'Hello Kitty, elle était rangée. Je te prends même pas la tête. Toi, tu me fais chier avec ta paye tous les soirs. Je te dis rien. T'as tes voitures là de Paris de 4 ans. Je te dis rien. Et toi, tu me fais ça. Les voitures, c'est des collections. Au moins, tu es dans. Tu peux les montrer à tes enfants. Et là, petit, tu veux montrer quoi moi, à tes enfants? Tu la petite, ah, salut, j'ai un chat. Bonjour. Non, mais... Oh, j'ai un chat. Voilà. Terminé. Non, mais, Alors que les voitures, c'est. Tu veux dormir dehors. Il fait profil bas, mec. Ouais. Tu devrais descendre n'importe un peu. Quoi. N'importe quoi. Mais je crois qu'il est devant la maison. Il n'est pas très loin. Hein. Ah, bah, j'espère qu'il n'est pas très loin. Mais de toute façon, là, il si c'est vraiment prêt, ça ne va pas se passer comme ça. Cédric, tu es loin? Non, mais au pire des cas, je vais dormir chez ma sœur. Cédric, hein, tu es loin ou pas? Bien sûr que tu vas dormir non, chez ta sœur. Bon. Ah, c'est horrible, non. Et non. Donc, elle est où, ta Je récupère ma play et je vais dormir chez ma sœur. Tu récupères ta play? Non. Ouais. Ah, c'est... Elle est où, ma collection? Oh là là. Je l'attends total. Elle est où, non, ma collection? Ma play. Écoute la question qu'elle t'a posée. Ah. Elle est où, ma collection? Là, à l'heure actuelle, tout de suite, maintenant, elle est où? Oh, Dja. Bah, elle est à la déchetterie. Pardon? Il voulait bien faire. Mais là, c'est une blague. Est-ce que tu te rends compte que moi, j'ai porté plainte quand même, là? Moi, j'aurais pas fait ça. C'est pas un truc, c'est pas marrant, là, pour moi. C'est au paradis des Hello Kitty. Non, mais Cédric, je sais. J'ai porté plainte, moi, contre les déménageurs, et tu me dis ça comme ça. Il faut pas. Non, mais je sais, Chou, mais je suis désolé, mais je pensais que ça te permettrait de grandir, en fait. Oh, mais oh, non, mais là, tu t'enfonces, mec. Non, mais toi, tu crois que t'es un homme grâce à qui, déjà? Déjà, t'es un homme grâce à qui? C'est grâce à moi. T'es le dernier des gamins et tu parles avec moi. T'es le dernier des gamins et tu parles avec moi. Tu sais quoi, me chauffe pas trop. Hein. Oh, je te jure, Cédric, je te jure, là, me chauffe pas trop. Je vais craquer. Hein. Vas-y, dis-lui ce que tu penses. Si tu me ramènes pas ma collection tout de suite. Mais allez à la poubelle, ma chérie. Elle est à la poubelle. Il l'a acheté. Eh ben, si c'est quoi, bouge pas. Moi, ta play, là. Non, tout sauf la play. Je te rachète des collections demain matin. Voilà. Elle est devant la maison. Non, non, sérieux, sérieux. Non, mais moi, je rigole pas, franchement. C'est le seul truc où j'y tenais. Je chier personne, je te dis, dans ma putain de collection des Loketti, si c'est vraiment toi qui l'as fait, là. Et si c'est toi, là, je te jure que t'as payé, là, tu la récupères pas. Hein. Mais c'est lui, c'est vraiment lui, c'est pas une blague. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi. Il les a vraiment jetés, mais il faut se calmer. Je les ai jetés, okay, mais je suis désolé. Hein, bah bouge pas. Regarde, voilà, ta putain de crise de merde. Tes voitures non, de merde, ça, aussi, je pas, pas la fenêtre. Non, mais sérieux, c'est bon. Là, ça me fait plus rire. C'est bon. Ouais, fais un truc. Je rigole pas, là. Eh ben, je non, sérieux, Cédric, je rigole plus, là. Il les a vraiment jetés. Et ben voilà, bah écoute, bah, tant pis pour lui, il sera dans la merde. Hein. Là, il s'en prendra quelque. Non, mais demain, je te rachète une collection, chou. Je te promets, je te rachète une collection. Tu vas me la racheter comment? Tu vas me la racheter comment? Genre, tu sais ce que j'avais exactement dans ma collection? Au lieu de te foutre non, de ma gueule tout le temps? Une collection de chats, c'est vite fait. Pardon? Tu continues. Tu cherches. Tu cherches. Toi, si ta console, elle est cassée, faudra pas te plaindre aussi, ouais, là, Cédric. Ouais, tu cherches, ouais. Là. Ah non, mais... Sa console, là, déjà, elle fonctionne même plus. Hein. Il l'oublie. Hein. Là, il l'oublie. Hein. Sa console, c'est pareil. Hein. Ses voitures de merde, c'est pareil. Hein. Non, mais oh, tu dis ça parce que t'es énervé. Tu dis ça parce que t'es énervé, mais tu le feras pas. Pardon, je le fais. Mais là, vous croyez que la Play, elle fonctionne encore? Ouais. Non, mais les voitures, tu dis ça, mais non, tu le feras pas. Les voitures. Tout sauf les voitures. Alors, franchement, là, les voitures, je les fous dans les chiottes. Mais hein, non, non, pas. Non, parce que ce sont des voitures de collection. Et ça, tu dis ça, mais t'oseras pas. C'est même pas des voitures de collection. Moi, c'était une vraie collection. Céline, tu dis ça. Céline, tu dis ça, mais tu le feras pas. Mais. C'est-à-dire, mais vous voulez que je fasse quoi là? Ben tu dis que tu les jetteras, mais tu les jetteras pas, je te connais. T'as un bon fond, t'es amoureuse, toi tu le feras pas, t'en seras pas. T'es pas le genre. T'es pas capable. Bah, alors franchement, c'est mal me connaître. Eh ben vas-y. J'en ai rien à foutre. Vas-y. Koé, tu dois t'en charger, tu dois pas faire. Ah ouais, il se décharge là. Ah, Koé, son décharge complet là. Non, mais sérieux, c'est vraiment. Moi, ça me fait pas rire. Bah, moi, nous non plus. Moi, ça me fait pas rire. Alors, nous non plus. Sache que au moins les choses sont dites. Il va en racheter. Il va t'en racheter. Non, mais moi, franchement, vous gardez avec lui. Il démerde. Mais il est pas avec nous. Non, non, non, non. Et qui revient pas. Non, non, non. Moi, non, non. Comme il a dit, là, il dormir chez sa sœur, bah alors moi, ça m'arrange. Non, mais chou. Il dort chez sa sœur. Moi, je veux plus le revoir, c'est bon. Il n'y a plus de chou. C'est bon. Ce qui est marrant, c'est que vous engueulez à base de chou, ça bouge pas. T'es un connard, chou. Ma collection des Loketti, quoi, mais merde. Alors, je te fais un bisou. Je te souhaite un bon week-end. Je ne peux pas la ramener, puisque c'est pas moi qui l'ai jeté. Je te rappelle que c'est Cédric. Il l'a jeté lui-même. Sciemment. Alors que toi, tu gardes sa collection de voitures. Tu trouves que t'es une fille super, t'aurais c'est vrai. Ah voilà. Non, mais j'ai pas dit que j'allais la garder, hein, sa collection de merde. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Pas chiche. Non. Là, c'est juste parce que mes enfants, ils dorment. Hein. Tu bluffes, Marconi. Tu bluffes, Marconi. Pour vous consoler. Ah non, mais là, je bluffe pas. Mais c'est juste pas rester pour mes enfants. Sinon, je vous jure que je sors le putain de marteau et que ces voitures-là, je les pète. Tu bluffes. Mais t'as même pas de marteau. T'as pas de marteau. Tu sais même pas où est le marteau. Arrêtez de la toucher. Non, tu le feras même pas. Même pas cap. Tu sais, il suffit de l'acheter par terre. Appelez pour que tu me sauves. Ah non. Allez, stop, on arrête la baston. Et pour la peine, je vous offre, ça va pas remplacer, mais il va remplacer la collection Hello Kitty. Pareil que sur le marché de Noël, il y en a des petites sympas avec en Père Noël, c'est très mignon. Et je vous offre une enceinte Bose. Je sais pas si ça rattrapera quoi que ce soit. Non, mais au moins vous mettrez la musique fort, comme ça vous n'aurez pas à vous parler. Voilà, c'est très bien. Bravo. Bisous Cédric, non, tu ne dors pas chez toi. Céline, je t'embrasse, hein. Bon, ok, merci Koé. Hein. En tout cas, je vous apprécie énormément, mais j'aurais préféré avoir ma collection d'Hello Kitty. Je sais, ma chérie. On y est pour rien. Hein. T'embrasses. Ça, c'est une chose, hein. L'enceinte, c'est pas pour sa gueule, hein. C'est pour moi. Bah, évidemment, c'est bien sûr, je suis là. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié. Interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça baloter. Il m'en veut pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, en commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie. Avec un corps impoli, les hommes sont sans pitié. Interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. Des mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Ouh. Même si j'ai confiance en toi. C'est le best of de Koé sur Énergie. Tu as raison. On en était sur la stop le blabla. Elle est dans, faite dans un bois particulier ou... Oui, un bois-bois. Un bois-bois. Un bois-bois. C'est du bois d'arbre. C'est du bois. Ah. C'est bête. Oh, trop bête. S'il dit que c'est de la merde, on lui dira, vous l'achète pas. Allô ? Oui, bonjour. J'appelle pour l'annonce que j'ai vue pour la flûte en bois. Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, voilà, je me permets de vous appeler parce qu'il se trouve que justement j'ai besoin d'une flûte en bois. D'accord. Voilà, donc elle n'est pas vendue ? Non, elle n'est pas encore vendue. Ouf, elle est en quelle matière ? Alors c'est donc du bois. Bois de Bolivie. Du bois de Bolivie, c'est de la région, hein, donc, mais d'un arbre particulier ou. Moi j'en sais rien, du bois. Du bois de Bolivie. Okay. Elle fonctionne bien ? Bah, c'est une flûte, oui. Ah bah non, il faut avoir des flûtes bouchées, des flûtes qui font des fausses notes. Ah non, elle marche très bien. Voilà. Non, il n'y a aucun souci, elle marche bien. Alors, je ne l'ai jamais utilisée. Alors, j'ai une question alors qui va peut-être vous sembler un petit peu dure, au sens strict, au sensus du terme. On est comment au niveau du mi bémol ? Je sais que pour un néophyte, ma question est un petit peu particulière. Mi bémol ? Le mi bémol. J'en sais rien. Mais c'est vous qui, c'est important, madame. Parce que c'est plus de la décoration. Oui, mais alors vous savez, moi je suis collectionneur de flûtes et c'est important. Est-ce que vous savez si elle est homologuée, norme européenne pour les cours de musique ? Norme européenne pour les cours de musique. Oh, vous savez quoi ? Ne vous embêtez pas. Est-ce que vous l'avez sous la main ? Ah non, je ne l'ai pas là, je ne suis pas chez moi. Ah, parce que je voulais entendre le son. Le son, bah, c'est un son de flûte. On souffle. Ça, oui, c'est... madame, c'est une flûte de Bolivie. Oui, voilà. On voit, c'est juste qu'elle a été achetée en Bolivie, quoi. Oui, bah, enfin, c'est ça en fait une flûte de Bolivie, madame. Puisqu'elle a été achetée en Bolivie. Oui, donc c'est une flûte de Bolivie, donc elle a un son particulier, elle a un son bolivien. Mais, à 5 euros la flûte, franchement... Oui, enfin, madame, écoutez, 5 euros, vous savez, par les temps qui courent, c'est quand même important. Autant savoir ce que j'achète, vous êtes d'accord, non? Ah ben oui, mais si vous voulez, on peut se voir et vous la tester, hein, si vous voulez faire votre vie mi bémol ou... Est-ce que vous pensez qu'elle fait du mi bémol ou pas? Ah, oh, j'en suis sûre. Vous en êtes sûre? Ah oui, oui. D'accord. Mais pour la norme européenne, non, elle vient de Bolivie, vous n'avez pas la norme européenne? Ah, elle n'est pas norme européenne, elle vient de Bolivie. Eh oui, elle est bolivienne, donc elle vient de Bolivie. Oh, que c'est Bolivie, ok. Donc, ça vous pose un souci qu'elle vienne de Bolivie? Oui, je ne vous cache pas, parce que je donne des cours de musique avec, donc vous comprenez, si je donne des cours de musique à des enfants sans norme européenne... Ah, ça peut poser problème. On est d'accord. Dans un langage châtier, je dirais, c'est un petit peu de la merde dans ce cas-là. Bah, c'est un truc, franchement, de oui. Décoration. Oui, mais si je joue de la musique sans normes européennes, on est d'accord, c'est un petit peu de la merde. Bah, ça, j'en sais rien, moi, je ne suis pas musicienne. Arrangé que vous le disiez. Mais moi, je le suis, faites-moi confiance, donc, dans ce cas-là, c'est un petit peu de la merde. Bah, aller dans un endroit où on vend de la norme européenne. Alors, non, tu vas le dire, ça m'arrange. Alors, donc, je disais non, parce que, franchement... Moi, je veux de la norme européenne. Elle n'est pas norme européenne. Normal, elle vient de Bolivie, elle est bolivienne. Donc, elle vient du bois. Donc, on est d'accord que si elle n'est pas de norme européenne, c'est un petit peu de la merde. Bah non, c'est une flûte, quoi. C'est une flûte, une flûte de décoration. Oui, mais écoute, j'ai besoin d'une flûte norme européenne. Donc, oui. Donc, si elle est bolivienne, c'est un petit peu de la merde. Bah, elle n'est pas de norme européenne. Donc, comme j'ai besoin d'une norme européenne, c'est un peu de la merde. Oui, je vous dise quoi? Oui. Vous voulez que je dise oui? Bah, je vous dis oui. Ah, bah, madame, si c'est de la merde, on vous lâchait pas! À bientôt, madame. On l'a cramé! 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. I wasn't looking for someone that night. I was never a believer, but you could fall in love at the first sight. But all of a sudden we loved and got lost in the moment. All of a sudden she's gone in the flesh of a lie. I never was looking. I'll be looking for the rest of my life. For the rest of my life.

qu'à l'époque des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. C'est le best-of de Koï sur Énergie. Petite yes. annonce d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vend des pinces à linge. Alors, bon, déjà, pinces à linge, c'est quand t'habites à la campagne, souvent. Hein, oui, c'est sur le truc, un fil, sur les mets, voilà, tu mets ça sur un fil. Connu. Pour pas que ça s'envole. Pinces à linge, tout le monde dit ça. Oui, mais tout le monde ne l'utilise pas forcément, c'est ça que je veux te dire. Quand tu mets à l'extérieur. Voilà, c'est quand tu mets à l'extérieur pour pas que ça s'en aille. Là, c'est des pinces à linge en bois Victor le Pirate. Alors, je ne sais pas... Victor le Pirate. Victor le Pirate, 5 euros les 24, 3 couleurs, jaune, rouge et verte. Deux motifs, pirate et chasse au trésor. Très beau. Très beau. Pour les enfants, très beau. Ça, vous connaissez, non, je connais Sam le Pirate, mais pas Victor le Pirate. C'est son, frère. C'est la version Lidl. Ils n'ont pas le droit de mettre les mêmes noms. Allô, Allô. Oui. Bonsoir, excusez-moi monsieur, il est très très tard. Pardon de vous déranger à cette heure. Je vous, je vous dérange pas trop, hein, bah, je suis désolé quand même. Je vous appelle parce que mon fils est fan de Victor le Pirate. D'accord. Voilà, j'ai vu votre annonce pour les pinces à linge. Ah oui ? Voilà, donc je voulais lui acheter, comme ça on pourra ensemble étendre le linge entre père et fils, vous voyez ? Oui, en plus, c'est une belle collection que j'ai. Ah, je savais pas qu'il y avait une collection complète. Hein. 24, j'en ai 24. Donc du coup, en fait, ils sont plutôt pas mal. Hein. Ils ont servi très peu de fois. Ils sont en limite un peu tout neufs. Très bien, donc ça. Et il y a un bon ressort sur les pinces à linge en cas de vent ou pas ? Carrément. Oui, vous avez déjà carrément, essayé ? Carrément. Ah, ah oui, oui, oui. Ma femme, elle me dit que vraiment, elle regrette pas de les avoir pris. Hein. Ah bon, écoutez, c'est merveilleux. Pas non plus que ça pince trop fort les doigts, parce que c'est pour mon fils. Hein. Non, non, vous inquiétez pas. Franchement, ces pinces à linge-là, c'est du béton. Elles sont magnifiques, elles sont magiques. Et vous ne regretterez pas. D'accord. Il faut que je vous pose une question, monsieur. Vous êtes enrhumé un petit peu, non ? Oui, un peu. D'accord. J'ai cru que vous étiez mis une pince au bout du nez, vous voyez, pour les essayer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Parce que on a... Oui, mais je comprends, c'est la période. Hein. On sort, on rentre. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais ? Est-ce que je peux prendre que les rouges et les jaunes, mais pas les vertes ? J'aime pas le vert. Ah non, monsieur, là, franchement, je fais le tout en fait, parce que vraiment vous ne regretterez pas de les avoir. Bravo, sinon je peux les repeindre les vertes en rouge. Non, franchement, en plus si c'est pour votre fils, vraiment il l'adorera. Il adorera. Il adorera. 5 euros, c'est votre dernier prix, monsieur. Oui. Bien, on ne peut pas faire un geste. Non, non, quand même 5 euros, les 24, c'est pas non plus trop cher. Faut enlever, hein, du... Vous êtes sûr que vous n'avez pas mis sur le bout du nez? Vous ne faites pas une blague, hein? Vous n'avez pas mis de personnage? Non, parce que je me sens un peu bouché d'ici. Bon, bah écoutez, je vais vous les prendre.

M.I.K.L. officiel. Allez, bonsoir à tous, c'est parti. On est en direct sur NRJ comme chaque soir. Bon, alors chaque soir d'habitude on est là à 23h hein, pendant les soirs de l'année, on va dire. Et là, eh ben, on s'est dit cette semaine, réveillon de Noël, semaine de Noël. Émeric est parti en vacances. Ouais. Et ben du coup, on va sur l'émission en direct ce soir pour passer le réveillon de Noël avec vous. Voilà. Polo va bien? Ça va très bien. Bon, tant mieux. Polo s'est fait une nouvelle petite coupe. Moi-même. Bah oui, exactement. Hein, pour des raisons. La gueule d'Amina qui lève les yeux au ciel. C'est genre. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux. Ah, il y a une embrouille. On a tenu une minute grâce au jingle sans embrouille. We wish you a Merry Christmas and Noël. And Happy New Year. Mais joie avec ton pote amitié. Là, l'escroc. Mais c'est pas mon pote. Qu'est-ce qu'elle me raconte celui-là? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je me suis coupé. Oui, je me coupe les cheveux moi-même. Et alors? Je fais ce que je veux. Mais oui, mais voilà, mais bien sûr. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous allez apprendre à nous connaître au fur et à mesure. Je vais voir. Sauvez-vous, les gars. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a autre chose à faire. Et bonne année. Bon, Amina va bien? Oui, elle va très bien. Très bien, vous pouvez Noël. Voir Mère Noël qui est avec nous au standard au 01 40 71 5000. Je vous ai. Amina brille sapin, de partout. Ouais, c'est vrai, elle brille de partout. Voilà, vous pouvez aller voir. Je vous ai mis la vidéo sur la story Instagram et Facebook. M-I-K-L officiel. Si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas surtout. Évidemment, mais que fait Christophe? Il est au Vater. Même le réveillon de Noël, il est aux toilettes. Je travaille, moi. Je travaille une pâtisserie. Oui, enfin bon, là, si tu veux, il n'est pas vraiment. Je travaille pendant que vous vous amusez, moi, je travaille. Bah ouais, je vais retourner qu'est-ce jouer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise? Enfin bon, quoi qu'il en soit, donc on est là. Si vous avez envie de parler avec nous de tout et n'importe quoi, vous êtes évidemment les bienvenus. 01 40 71 5000. Il y a Estelle qui dit coucou, la team de la night. Week-end bien passé. Oui, pas mal. 4 heures en votre compagnie, trop cool. Tendre bisous à vous. Salut Estelle, merci beaucoup pour le message. Charles sur Twitter, salut la team, les seuls qui ne lâchent jamais. Oh, jamais, c'est vite dit, mais là, en tout cas, on est là. Bah oui. On va être comme des vieilles cordes, on va, à un moment donné, ça va exploser, on va péter comme ça. Francesca aussi, joyeux Noël, merci pour ces soirées avec vous. Merci. Joyeux Noël, les oufs, c'est Jackie de Lyon, salut à Jackie. Salut Charling Gals aussi, joyeux Noël à Mickaël, Tof, Polo, Amina. Et Mich, bah donc, pour une fois qu'on pense à lui, qui passe leur réveillon de Noël derrière leur micro. Alors, pas sûr que Michel, le réa de Polo, soit là le soir du réveillon. Mais... Moi, j'ai vu qu'il avait demandé sa journée. Hein. Ah ouais? Bah, écoute, c'est pas vraiment mon rien, on me l'impose. Oui, enfin bon. Est-ce que pour Noël, Toff peut fermer sa gueule? Ah bah, il a bien commencé là pour l'instant. Ouais. Parce qu'il est au Vater. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Il y a le son de Claudio Capéo qu'on écoutera. Il y aura aussi le son d'Avamax qui débarquera tout à l'heure. Je vous mettrai Bad Bunny avec Drake qui passera. Ce soir, on va se faire plein de jeux également. Il y a le jeu du 2 secondes, je te reprends, que nous ferons tout à l'heure. Le jeu du qui suis-je. Le chéri, je peux te faire cocu avec des AirPods de chez Apple à gagner. Il y a quoi également à gagner? Il y a des PS4 Pro. Il y a. J'ai oublié. Il y a plein de trucs. Hein. Mais c'est pas nous, c'est le Père Noël. Évidemment, bien entendu, cela va de soi. Bien entendu. Des surprises. Évidemment, évidemment. J'ai les enceintes connectées Amazon Echo également, mais ça, c'est avec le double hit Energy DJ Snake. Si vous entendez deux sons de DJ Snake enchaînés, bah, vous savez comment ça se passe. Je vous le rappellerai évidemment. Il faudra être au taquet pour repartir avec votre enceinte. Sinon, j'ai les trottinettes également à vous offrir, trottinettes électriques qui déchirent. Amina, d'ailleurs, a fait l'aller-retour dans le couloir toute la soirée. Oui. Voilà, comme ça vous savez tout. Et puis on va accueillir également Salma qui est avec nous à Lyon. Salut Salma. Salut toute l'équipe. Comment salut ça va? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh là là, heureusement qu'on est là, parce que je rappelle que